إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله عز وجل طيب الحياة والسعادة لمن أطاعه وعبده. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد جعل الله عز وجل العبادة أنواعا، وجعل منها فرائض ونوافل. وإن من أحب العبادات إلى الله عز وجل الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال الله عز وجل فيما يخص الصيام في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، وفي رواية: الصيام جنة من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني بأمر أحمله عنك، وفي رواية: مرني بأمر ينفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وإنكم عباد الله دخلتم في شهر من شهور الصيام، شهر يستحب فيه الإكثار من الصيام، إنه شهر شعبان. نحن في اليوم السادس منه، وهذا الشهر، ألا وهو شعبان، شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وتقول رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. وتقول رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. Sachez, chers musulmans et musulmanes, aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour qu'il l'adore. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'il m'adore. Et Allah Azzawajal a fait en sorte que la vie heureuse, la vie joyeuse et bonne est accordée à celui qui lui obéit, à celui qui l'adore Azzawajal. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Et quiconque accomplit, et celui qui accomplit des œuvres vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, alors nous lui accorderons une vie bonne. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, a fait en sorte que les adorations à lui subhanahu wa ta'ala soient de différentes formes et de différentes natures. Et Allah azza wa jalla a fait de ces adorations certaines qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées. Et parmi les œuvres et les adorations les plus aimées auprès d'Allah azza wa jalla, il y a le jeûne. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tous les actes des fils d'Adam sont décuplés et multipliés. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 multiples. Et concernant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam que concernant la récompense du jeûne, Allah azza wa jalla a dit illa sawm, sauf le jeûne, sa récompense m'appartient. Sa récompense m'appartient et c'est moi qui en récompense. Il délaisse, en parlant du jeûneur, sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance du jeûne, que le jeûne est une protection. Et dans une autre version, il dit alayhi salatu wa sallam, le jeûne est un rempart contre l'enfer. Et il nous informe alayhi salatu wa sallam que le jeûneur connaîtra deux moments de joie. Le premier moment de joie est lorsqu'il rompt son jeûne, et le second lorsqu'il rencontrera son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Abu Umamah radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô envoyé d'Allah, ordonne-moi une chose que je prendrai de toi. Et dans une autre version, ô envoyé d'Allah, ordonne-moi une chose qui me sera profitable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jeûne, car rien n'est similaire au jeûne. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que depuis quelques jours, vous êtes entrés dans un des mois dans lesquels il est recommandé de jeûner. Un mois dans lequel il est recommandé de beaucoup jeûner. Ce mois est le mois de Sha'ban. Et aujourd'hui, nous sommes le sixième jour de ce mois, un mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément. Aïcha radiyallahu anha dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam compléter le jeûne d'un mois, si ce n'est le mois du Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner autant qu'il jeûne le mois de Sha'ban. Et dans un autre hadith, elle dit radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mois de l'année qu'il jeûnait le plus, il y avait le mois de Sha'ban. Et elle dit également, radiyallahu anha, que le mois le plus aimé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il jeûnait, était le mois de Sha'ban, et il le faisait suivre du mois de Ramadan. Beaucoup de hadiths viennent dans ce sens, nous prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la majeure partie du mois de Sha'ban. Aïcha radiyallahu anha pour nous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban. Elle a dit radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban à l'exception de quelques jours uniquement. Également, la mère des croyants, Umm Salama radiyallahu anha, a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner deux mois consécutifs hormis le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan. اعلموا ايها المسلمون ان اظهر اقوال اهل العلم في الجمع بين هذه الاحاديث اولا من العلماء من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في ذلك فتارة يصوم شعبان الا قليلا وتارة يصوم شعبان كله ومن اهل العلم من قال ان المقصود بصيامه كله أي بصيام شهر شعبان كله أنه يكثر من صيامه، وهذا سائغ في لغة العرب. والوجه الثاني هو الأظهر والله أعلم، وهو أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، حتى أن الناظر إليه يظن أنه قد صامه كله. فإذا صام المسلم الشهر كله فلا حرج عليه لورود الأحاديث الواردة في ذلك، وإن صام المسلم أكثر شعبان وأفطر قليلا منه فهذا أفضل والله أعلم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، فأصح كلام أهل العلم في هذه المسألة أن هذا نهي عن ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان من باب الاحتياط لرمضان، ثم يتأكد النهي إذا بقي يوم أو يومان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. أما من كان يصوم قبل النصف من شعبان فإنه من السنة أن يكمل الصيام بعد النصف من شعبان. وكذلك أيها المسلمون، من كانت له عادة صيام من الشهر فلم يصمها إلا بعد أن جاء النصف الثاني من شعبان فله أن يصوم تلك العادة، كصيام 3 أيام من كل شهر وكصيام 2 والخميس. فأكرموا أيها المسلمون، أكرموا أنفسكم بالإكثار من الصيام في شهر شعبان مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومحيا سنته عليه الصلاة والسلام، ومبينا أنكم تحبون الصيام لأن ربكم تعالى يحب الصيام. فأنتم أيها المسلمون مقبلون على صيام يجب عليكم أن تصوموا فيه وهو شهر رمضان، فبادروا من الإكثار من الصيام في شهر قبله لا يجب عليكم أن تصوموا فيه، وإنما هو أمر محب لله سبحانه وتعالى. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les paroles des savants ont divergé sur le fait de rassembler ces hadiths que l'on a précédemment cités, à savoir les hadiths de Aïcha radiallahu anha et les hadiths de Umm Salama. Certains hadiths stipulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban entièrement, et d'autres hadiths stipulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban entièrement, à l'exception de quelques jours. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines années jeûnait le mois de Sha'ban entièrement, et d'autres années, il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam la majeure partie de ce mois de Sha'ban. Et d'autres savants ont dit que ce qui est voulu par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne tout le mois de Sha'ban, c'est-à-dire qu'il jeûne la quasi-totalité de ce mois. Et ceci est une forme qui est acceptée en langue arabe. Lorsque tu dis « j'ai prié toute la nuit » alors que tu as prié la quasi-totalité de cette nuit, car dans cette nuit tu as été amené à boire, à manger ou à t'absenter quelques instants, mais le fait de dire que tu as prié toute la nuit, eh bien, est valable linguistiquement parlant. Et ce deuxième avis des savants est celui qui apparaît le plus prépondérant, wallahu a'lam, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tellement le mois de Sha'ban que celui qui l'observait avait l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait entièrement. Quant au hadith, lorsqu'arrive la moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas. Et dans une autre version, lorsque vient la moitié du mois de Sha'ban, alors point de jeûne jusqu'à ce que vienne le mois du Ramadan. La parole la plus prépondérante des gens de science au sujet de ce hadith est qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de commencer à jeûner le mois de Sha'ban à partir de la deuxième moitié pour celui qui veut jeûner dans le but de prendre ses précautions pour Ramadan. Autrement dit, une personne qui veut absolument être sûr de jeûner le mois du Ramadan. Et pour en être sûr et certain, il se dit, dès que la moitié de Sha'ban arrive, alors je commencerai à jeûner. Il jeûne par précaution et pour être sûr de jeûner tout le mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire cela. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne précédez pas le jeûne du mois de Ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jeûner les jours de doute, ces quelques jours qui précèdent le mois du Ramadan, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Ainsi, le retient de la parole des savants que celui qui a commencé à jeûner le mois de Sha'ban avant que la deuxième moitié n'entre, alors la sunna pour lui est de continuer à jeûner le mois de Sha'ban et d'en jeûner le plus possible, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quant à celui qui a commencé à jeûner qu'après la deuxième moitié, alors il a le droit de jeûner les jours qu'il a l'habitude de jeûner, comme celui qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, comme celui qui a l'habitude de jeûner 3 jours du mois, comme cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors s'il n'a pas jeûné la première moitié, ou quelques jours de la première moitié du mois de Sha'ban, et qu'il souhaite jeûner les lundis et jeudis, ou qu'il souhaite jeûner 3 jours du mois de Sha'ban, faisant partie de sa deuxième moitié, alors il n'y a pas de mal à cela. Soyez donc généreux, chers musulmans et musulmanes, soyez généreux envers vous-même, en jeûnant beaucoup de ce mois de Sha'ban, et en prenant comme exemple dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûnez ce mois de Sha'ban et faites revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et montrez que vous aimez le jeûne, car votre Seigneur subhanahu wa ta'ala aime le jeûne. Et sachez également que le mois du Ramadan arrive à grands pas et c'est un mois dans lequel le jeûne est obligatoire. Le fait donc que vous jeûniez le mois qui le précède de façon surérogatoire est une chose aimée et appréciée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، مروا أهليكم وأولادكم بطاعة الله، فإن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وإنها سرعان ما تنتهي. واعلموا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العبادة وقت غفلة الناس، لذلك ومن ذلك الإكثار من الصيام في شهر شعبان. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شهر شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. إن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه، لأنه يقع بين شهر رجب وهو شهر محرم تعظمه الناس، وشهر رمضان وهو شهر مبارك يصومه الناس وجوبا. ولذا مما يعظم الأجر لعباد الله أن يتعبدوا الله في وقت غفلة الناس أو في المكان الذي يغفل فيه عن الله. قال عليه الصلاة والسلام، العبادة في الهرج كهجرة إلي، والعبادة في الهرج أي في وقت القتل وفي وقت اختلاط الناس بسبب الفتن. فالعبد الذي يكثر من عبادة الله والذي يكثر من ذكر الله والذي يكثر من طاعة الله عز وجل في وقت غفلات الناس ذلك يدل على قوة إيمانه وإقباله على الله عز وجل. لذلك فإن قيام الليل أفضل نوافل الصلاة، والسر في ذلك أنه يكون في وقت غفلة الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا بالليل والناس نيام. لذلك أيها المسلمون والمسلمات، إذا رأينا الناس في غفلة في زمان أو مكان فعلينا نجتهد في إكرام أنفسنا بطاعة الله عز وجل وبذكر الله وبعبادة الله. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, il est recommandé d'ordonner à sa famille et à ses enfants d'obéir à Allah Azza wa Jal, car cette vie d'ici-bas est une terre de passage, et ce n'est aucunement une terre de résidence, et très vite, cette vie d'ici-bas partira. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Allah Azza wa Jal au moment où les gens font preuve d'insouciance. Au moment où les gens font preuve d'insouciance. Et cette insouciance est présente pendant ce mois de Sha'ban. Lorsque Usama ibn Zayd radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: « Ô envoyé d'Allah, je ne te vois pas jeûner parmi les jours, parmi les mois, plus que le mois de Sha'ban. » Autrement dit, quelle est la raison, envoyé d'Allah? Quelle est la raison et pourquoi jeûnes-tu le mois de Sha'ban plus que les autres mois? Il a répondu, alayhi salatu wassalam, c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. C'est un mois qui vient et qui est positionné et qui se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et c'est un mois dans lequel les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes actions soient présentées à mon Seigneur pendant que je suis en état de jeûne. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, ce mois de Sha'ban est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Car le mois de Rajab qui précède le mois de Sha'ban fait partie des mois sacrés auxquels les gens donnent une immense importance. Et ce mois de Sha'ban est suivi du mois de Ramadan, qui est un mois béni que les gens jeûnent de façon obligatoire. Ainsi, la récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à celui qui l'adore, subhanahu wa ta'ala, pendant les moments d'insouciance, ou les endroits dans lesquels les gens sont insouciants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui qui adore Allah Azza wa Jal pendant ce moment ou dans cet endroit verra ses récompenses décuplées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'adoration en période de trouble est équivalente à une émigration vers moi. L'adoration en période de trouble, lorsque les meurtres se multiplient, lorsque les troubles envahissent la société, et que les gens ne font plus confiance aux autres, et que les gens sont perturbés, ainsi ils sont insouciants vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dans ces moments difficiles s'en remet à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et multiplie les différentes formes d'adoration à Allah Azza wa Jal, celui qui dans ces moments difficiles, dans lesquels les gens sont insouciants vis-à-vis de leur Seigneur, et voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéit, nul doute que cela prouve la foi grande de cette personne, et que sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera immense. Et cela est l'un des secrets de la prière nocturne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la prière nocturne comme la meilleure des prières surérogatoires. Comme la meilleure des prières surérogatoires. Et la raison de cela est que cette prière de nuit a lieu lorsque les gens sont insouciants, lorsque les gens sont plongés dans leur sommeil, ces personnes, ces croyants et croyantes, qui se lèvent dans les heures tardives de la nuit pour prier leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des meilleures œuvres, et ce sont des œuvres auxquelles nous appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit alayhi salatu wa sallam, et prier la nuit pendant que les gens dorment. Ainsi nous devons, chers musulmans et musulmanes, lorsque nous voyons les gens insouciants pendant un moment bien précis, ou lorsque nous voyons les gens insouciants dans un endroit particulier, comme les marchés, comme les centres commerciaux par exemple, ce sont des endroits dans lesquels les gens sont insouciants vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa hu yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shayin qadir. » Celui qui dit cette invocation, lorsqu'il entre dans un centre commercial, ou lorsqu'il entre dans un marché, ou tout autre endroit où il y a des transactions commerciales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera 1 million de hasanat, et qu'Allah azza wa jalla lui pardonnera 1 million de péchés, et qu'Allah azza wa jalla l'élèvera 1 million de degrés. Pourquoi une récompense aussi immense et gigantesque? Car ces endroits sont des endroits dans lesquels les gens sont insouciants vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min as-sa'imin fi hadha ash-shahr shahr sha'ban. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدون بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في صيامه للشهر شعبان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بتأييدك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.